Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, les détecteurs de fumée, sécurité incendie dans le logement. Dans la majorité des cas, c'est la fumée et non les flammes qui sont la cause du décès. Permettre aux particuliers d'être alertés en temps utile et d'échapper à l'intoxication de la fumée, c'est réduire très efficacement le nombre de victimes. C'est bien sûr le rôle des détecteurs de fumée qui sont à installer chez vous. Quand on sait qu'en France, un incendie se déclenche en moyenne toutes les 2 minutes, on mesure pleinement la nécessité pour les particuliers de se protéger contre ce fléau. Alors, conscient de la nécessité de faire de la prévention, le gouvernement avait voté une loi en 2010 rendant l'installation de ces détecteurs de fumée obligatoire dans les logements, qui a été complétée par plusieurs décrets et la loi Allure du 24 mars 2014 qui précise les consignes à respecter. Alors, l'installation de ce détecteur concerne tous les logements, les résidences principales comme les résidences secondaires, les logements privés ou publics, qu'ils soient neufs ou anciens. Ces appareils doivent être capables à la fois de détecter les fumées émises dès le début de l'incendie, mais aussi d'émettre un signal sonore suffisamment puissant pour réveiller une personne endormie et présente sur les lieux. Il s'agit d'un détecteur avertisseur autonome de fumée, un DAF. Le détecteur fonctionne à l'aide d'une pile. Il ne peut donc être alimenté par le courant électrique car en cas d'incendie, les fusibles peuvent sauter. La seule exception, c'est si votre installation électrique est équipée d'une alimentation de secours prenant le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Alors, les particuliers avaient jusqu'au 8 mars 2015 pour installer chez eux au moins un détecteur de fumée normalisé. Alors, quel détecteur de fumée acheter ? Vous devez vous procurer un détecteur de fumée muni du marquage CE qui soit conforme à la norme européenne harmonisée, dite NFEN 146-04. Pour choisir un détecteur aux normes, assurez-vous donc que ces indications figurent bien sur leur emballage. Il est à savoir que pour les personnes malentendantes, il existe des détecteurs de fumée appropriés qui fonctionnent grâce à un signal lumineux ou vibrant. Alors, la question, c'est où doit être placé ce détecteur et combien de détecteurs peut-on placer dans un logement? Vous devez l'installer de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres en le fixant solidement en partie supérieure à proximité du point le plus haut et à distance bien entendu des autres parois mais aussi des sources de vapeur dans la cuisine ou alors dans la salle d'eau. Un seul détecteur est obligatoire par logement. Toutefois, et bien entendu, si votre maison ou votre appartement comporte plusieurs étages, il est recommandé d'en installer un par étage. De même, si votre logement est grand, vous avez intérêt à en disposer plusieurs de manière à ce qu'ils puissent être entendus de toutes les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de circulation ou de dégagement, le cas d'un studio par exemple, le détecteur doit être installé, encore une fois bien entendu, le plus loin possible de la cuisine et de la salle d'eau. Alors, cette obligation de détecteur, elle est à la charge de qui ? Dans le cas d'un logement donné en location, c'est au propriétaire de fournir le détecteur de fumée normalisé à son locataire. Si le logement était en cours de location au 8 mars 2015, le propriétaire devait fournir un détecteur de fumée à son locataire, soit en l'achetant lui-même et en le remettant à son locataire, soit en remboursant ce dit locataire pour le détecteur de fumée qu'il aura lui-même acheté. Le bailleur n'est pas tenu de fixer le détecteur, car une fois qu'il l'a fourni à son locataire, c'est à ce dernier de se charger de la pose. Alors, s'agissant d'un nouveau locataire, c'est au bailleur d'acheter et de fixer lui-même le détecteur avant l'arrivée du locataire dans le logement et de s'assurer de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée. Ensuite, ce sera au locataire de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. En revanche, si le logement est loué en meublé ou bien en saisonnier ou encore comme logement de fonction, c'est au propriétaire bailleur à la fois de fournir le détecteur et d'entretenir les détecteurs de fumée de ces logements. Alors ensuite, concernant l'impact sur le logement et son assurance. Une fois le détecteur de fumée installé, l'occupant du logement en informe son assureur en lui envoyant une attestation qui est parfois fournie avec le détecteur et une copie de la facture. À savoir, les assureurs pourront proposer une prime d'assurance plus attractive à ceux qui auront installé un détecteur de fumée dans leur logement. D'autres opteront peut-être pour l'application d'une franchise plus importante en cas d'incendie si les assurés n'ont pas installé de détecteur de fumée. A contrario, ils pourront faire disparaître la franchise éventuelle pour ceux qui auront installé le détecteur. les sociétés d'assurance avertiront nécessairement leur assuré de l'impact qu'aura la pose de ce détecteur ou non. Toutefois, il est important de savoir qu'en cas d'incendie, l'assurance ne pourra pas refuser de vous indemniser au motif que vous n'aurez pas installé ce détecteur de fumée. Mais bien sûr, il est conseillé de se renseigner auprès de son assureur afin de connaître les incidences éventuelles sur le contrat. De plus, aucune sanction n'est prévue par la réglementation en cas de non-installation du DAF. Pour vous convaincre malgré tout d'installer un détecteur, on peut rappeler que ceux-ci ont fait baisser le nombre de morts dans les pays où ils sont déjà obligatoires. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.